Et ce temps que je dis vrai, Enda jusqu'à la mort, je te le jure tant que je vivrai. Tu peux user ta salive ou même aiguiser tes canines, encore cracher ton hépatite, dénigrer ma rime. Tant que tu kiffes sur mon style, brise ta nuque sur ma vibe. On sait tous différencier une victime d'un viking. M'en pas la race, la pétasse, je te dis tant que je trempe mon gland. Une pute écarte tout le temps, on le sait tant que tu payes content. Même si t'es moche à mort, tu baises à mort tant que t'as l'argent, tant que t'as la banque, tant que t'as le chrome sur la jante. M'en pas les couilles, la provenance du billet, de la nature du business. On apprécie ceux qui font les choses et qui se taisent. On connaît tous les vraies limites de ceux qui crient haut et fort qu'ils baissent le système. Je m'en bats les couilles, frôle au qui a du pèse. Mes cailles sont de sortie, l'alcool est dans les verres. Les guns sont brandis dans le hall, ça pue les terres. Les limites sont franchies, y'a des jours où je m'en bats les couilles, frôle au qui a du pèse. Mes cailles sont de sortie, l'alcool est dans les verres. Les guns sont brandis dans le hall, ça pue les terres. Les limites sont franchies, y'a des jours où je m'en bats les couilles de la major. Frôle au que j'ai un gros chèque. Rien à foutre de ce que je dois vendre tant que j'ai les espèces. On sait tous que l'amitié se rapporte avec l'autre. Conseil, toujours trop taille, positif à l'alcotesse. Tant peine la dénivie, bah George Bush il est en chien. Si Sarkozy passait pas la France, elle sera en chien. Puisque y'a la misère dans nos yeux, regarde nos banlieues, nos villes, nos thèses se transformer en chien. T'inquiète, j'ai de la saleté dans ma rime. T'as la carrosserie mais pas la cavalerie. Tant qu'il y aura de la drogue dans les narines et la flambée du baril, beaucoup de Saoudiens continueront de rouler en Ferrari. On voit les couilles de la manière, l'essentiel c'est d'arriver. Peu importe la drogue, frôle autant que j'ai la fonce des. Rien à foutre de l'alcool, je te dis tant que j'ai l'ivresse. Enda jusqu'à la mort, je te le jure tant que je vivrai. Je m'en bats les couilles, frôle autant qu'il y a du pèse. Mes cailles sont de sortie, l'alcool est dans les verres. Les guns sont brandis dans le hall, ça pue les terres. Les limites sont franchies, y'a des jours où je m'en. Je m'en bats les couilles, frôle autant qu'il y a du pèse. Mes cailles sont de sortie, l'alcool est dans les verres. Les guns sont brandis dans le hall, ça pue les terres. Les limites sont franchies, y'a des jours où je m'en. Qu'importe ta monnaie, que t'aies des roues, des CFA, des euros, des livres sterling, passe la monnaie. 2006.